Alors, comment ça se passe ton business en ligne pour les fêtes ? Bien, j'ai plein de commandes et mes clients sont impatients de recevoir leurs colis. Passe par Colissimo Facilité, ils seront livrés en 48 heures. C'est plus de sérénité pour toi et de satisfaction pour tes clients. Découvrez Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne de La Poste dédiée aux professionnels pour faciliter l'envoi et le suivi des colis. Et jusqu'au 31 décembre, profitez de moins 10% sur vos envois pendant 6 mois. Renseignements au 3634 ou à La Poste. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, des femmes contre des missiles. Ou l'histoire méconnue d'un campement pacifiste en pleine guerre froide, Greenham Common. Nous sommes en 1979. L'OTAN décide d'installer en Europe ses propres missiles nucléaires en réponse à ceux que les soviétiques ont dirigés vers l'ouest du continent. L'Atlantique Nord, menée par les États-Unis, choisit d'implanter son arsenal, parmi d'autres points stratégiques, sur la base militaire de Greenham Common, au Pays de Galles. Mais cette course à l'armement, décrétée sans aucune consultation populaire, évidemment, va se retrouver dérangée, enrayée de manière inattendue. Des femmes, des mères de famille pour beaucoup, souvent sans aucune expérience du militantisme, vont s'immiscer dans la crise des euromissiles en installant un campement pacifiste à Greenham Common. Ainsi, pendant 19 ans, des centaines, puis des milliers d'entre elles vont vivre une expérience collective dont les enjeux vont bien au-delà des seules revendications antinucléaires. Notre invitée aujourd'hui, Jeanne Burga-Goutal, professeure de philosophie et autrice du livre « Être écoféministe, théorie et pratique » paru aux éditions L'Échappée en 2020. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Jeanne Mayer, coordination Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Donnante, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. L'équilibre de la terreur. Voilà ce dont on a débattu jusqu'à ce soir, ce dont ont débattu jusqu'à ce soir les partenaires de l'OTAN, réunis à Bruxelles. L'OTAN, l'organisation militaire de l'Alliance Atlantique, qui devait décider si oui ou non elle modernisait son arsenal nucléaire face à l'Union soviétique et à ses alliés de l'Est. Ce soir, l'accord est donc acquis à quelques réserves près, les partenaires européens des États-Unis acceptant l'installation de ces nouveaux missiles et fusées sur leur territoire. 12 décembre 1979, tous les membres de l'OTAN, à l'exception de la France qui ne fait plus partie du commandement intégré de l'organisation depuis 1966, décident d'installer dans les années à venir 464 missiles de croisière Griffon et 108 missiles balistiques Pershing en Europe. Belgique, Italie, Pays-Bas, Allemagne de l'Ouest, Grande-Bretagne, arsenal largement financé par les États-Unis. Cette modernisation du parapluie nucléaire, comme la désigne l'OTAN, doit contrebalancer les 1200 fusées SS-20 qui assuraient jusqu'alors la supériorité du pacte de Varsovie. On appelait cette doctrine l'équilibre de la terreur, probablement celle qui a permis à l'humanité d'échapper au cataclysme nucléaire, soit dit au passage. Mais en 79, on ne pouvait pas le savoir. Et c'est dans un climat international tendu qu'une partie du monde s'apprête à vivre sous la menace d'un nouvel usage de l'arme nucléaire. Au Royaume-Uni, par exemple, qui doit accueillir des missiles sur son sol à partir de 1983, on lance Protect and Survive, une campagne de communication à destination des familles. Dans des petits films que les autorités diffusent à la télé publique, les consignes sont claires, mais anxiogènes. Mettez vos enfants à l'abri, puis allez éteindre le gaz et l'électricité. Éteignez les feux, fermez les fenêtres. Tirez les rideaux. Mettez-vous avec votre famille à l'endroit le plus sûr. Un placard sous l'escalier est un bon refuge. Placez des sacs de terre ou de sable sur l'escalier. Commencez à le faire. Dès maintenant. Pour beaucoup de mères de famille britanniques, l'arme nucléaire n'est pas qu'une affaire de politique internationale ou de stratégie militaire. Non, c'est au quotidien qu'elles ressentent la peur. La leur et celle de leurs enfants confrontés à ces annonces. Et notamment, celles qui vivent près de Greenham Common, la base que l'OTAN a choisie au Pays de Galles. Elles se sentent prises au piège d'une décision qui fait de leur famille des proies. À mesure que leur peur grandit, certaines s'interrogent. Comment exprimer ce désaccord? Comment agir? Comment empêcher l'arrivée des missiles sur cette base de la force aérienne états-unienne située en plein cœur de la campagne tranquille du Berkshire? L'une d'entre elles, la galloise Anne Pettit, se souvient de cette année 79, dans le documentaire de Sonia Gonzalez, des femmes contre les missiles, elle avait 34 ans. Nous étions à un tournant décisif. Il fallait que la course à l'armement fasse la une des journaux, qu'elle ne soit plus cet élément d'information anecdotique, à moitié dissimulé. Et je suis tombée sur un article au sujet de femmes scandinaves qui avaient organisé une marche de Copenhague à Paris. Et je me suis dit que c'était une excellente idée et qu'on pourrait le faire ici aussi. Et c'est comme ça que tout a commencé. Ça a été l'étincelle. En septembre 81, 2 ans après la décision de l'OTAN d'installer des missiles nucléaires au Pays de Galles, 36 personnes, femmes et hommes, organisent une marche pour la paix de Cardiff jusqu'à Greenham Common, la base militaire encore en chantier, où arriveront bientôt les missiles américains. Anne Pettit est parmi ces « Women for Life on Earth », en français, les femmes pour la paix sur la terre, comme elles se sont désignées sur une immense banderole de tissu rose. Plus de 150 km à pied à travers la campagne galloise, sur les traces symboliques de toutes celles et tous ceux qui, dans le monde, ont marché au nom de leur combat. Gandhi en Inde, Martin Luther King aux États-Unis ou encore les paysans du Larzac, dont certaines des marcheuses de Greenham Common, d'ailleurs, connaissent le combat. Talia Campbell était l'une d'entre elles. Elle se souvient de leur arrivée après 10 jours de marche. Tout au long de la marche, on a pris confiance en prenant la parole publiquement. Quand on est arrivé, il y avait un camion et un micro, et la plupart d'entre nous ont dit quelque chose, ce qu'elles n'auraient pas osé faire avant la marche, j'en suis sûre. Et au fil de la journée, on a pris la décision de rester. Parce que ce qu'on avait demandé tout au long du chemin, c'était un débat télévisé avec notre gouvernement à propos des missiles de croisière. Mais les autorités britanniques n'ont que faire de la demande de ce petit groupe de mères de famille. Dans une lettre à Anne Pettit, le député conservateur Lord Chalfont expliquait, je le cite, qu'il est profondément choqué de voir un tel sujet sérieux traité par des gens qui passent leur temps avec des enfants et qui ne trouvent rien de mieux à faire sur place que de chanter des comptines détournées. 4 femmes s'enchaînent alors à la clôture de la base militaire de Greenham Common. « Nous pleurons pour nos enfants qui ne grandiront peut-être jamais. Hiroshima hier, l'Europe demain », disent leurs pancartes. Alors, elle passe la nuit devant l'entrée de la base, puis une autre nuit, et une autre encore. La presse ne s'intéresse pas à elle, pour l'instant. Mais on vient du village d'à côté voir ce qui se passe. Et on leur apporte du thé, de la compagnie. Les jours passent, et un petit campement s'improvise. Il y a là quelques tentes, des chaises et des feux de camp. Progressivement, alors qu'arrive le mois d'octobre, d'autres femmes se joignent au groupe. Elles sont quelques dizaines au début, il y a là des travailleuses, des chômeuses, des retraitées, des étudiantes. Elles viennent du coin ou de plus loin. Elles ont 17, 30, 70 ans. Beaucoup sont mères ou grand-mères. Et avec elles, il y a des hommes également. Oui, des militants rompus à la lutte politique ou pacifiste, pour certains, qui ont leur avis sur comment s'organiser, comment communiquer, comment agir. Beaucoup de femmes l'entrevoient alors. La présence de ces militants risque de les empêcher de penser par elles-mêmes. 5 mois après leur arrivée, au terme d'une longue réunion, elles décident collectivement que ce sera désormais « Women Only ». C'est le début d'une grande aventure collective qui va transformer à jamais des dizaines de milliers de femmes. J'y suis allée une première fois en février 1982. Et ce qui m'avait en partie convaincue, c'est que les femmes du camp avaient établi que ce serait une action exclusivement féminine. Au début, ce n'était pas le cas. Et les femmes ont décidé qu'elles voulaient être les porte-parole, les leaders de ce mouvement. Elles souhaitaient disposer d'un endroit pour exprimer la colère et la peur que leur inspirait la course à l'armement nucléaire. C'est ce qui m'a touchée personnellement. Et je me suis dit, un endroit créé par des femmes, est-ce que je pourrais y participer? Est-ce que je veux y participer? Ma réponse, c'était oui. Avant de venir à Greenham Common, certaines femmes du campement ont d'abord tenté de rejoindre les rangs du CND, une organisation de lobbyisme antinucléaire très active au Royaume-Uni au début des années 80. mais sans y trouver leur place. Car le CND est une organisation hiérarchisée, bureaucratique, où les femmes se retrouvent souvent seules au milieu d'hommes qui ont l'habitude de ce genre de réunion. Assises dans le fond, certaines n'osent même pas prendre la parole sur ce soi-disant sujet d'homme. À Greenham Common, au-delà des aspects techniques du nucléaire, on laisse toute la place à la peur, aux cris, aux pleurs. Chacune, sans distinction d'âge ou de classe sociale, est encouragée à s'exprimer sans crainte d'être jugée ou interrompue. Quant aux hommes, s'ils peuvent être invités à rester quelques jours sur le camp, c'est pour cuisiner et s'occuper des enfants. Aux femmes, la responsabilité de l'activisme, la non-mixité qu'elles envisagent comme un moyen et non comme une fin, leur permet de s'émanciper en faisant pour la première fois les choses à leur manière. Dans leur lutte contre les armes nucléaires, les femmes du camp de Greenham Common revendiquent largement leur statut de mère de famille. Et certaines féministes le leur reprocheront. La maman et mère nature, Mother Nature, comme le chantaient les Beatles 10 ans plus tôt, protectrice de la planète, ce seraient deux poncifs réducteurs, deux identités assignées. Mais à Greenham, les femmes entendent justement se servir de ces clichés. En mars 82, 250 d'entre elles bloquent pour la première fois l'entrée du chantier de la base aux ouvriers et aux militaires. Elles font alors du chant, et notamment de la comptine, leur première arme. Ces refrains, qui relèvent à la fois du slogan tel qu'on les scande en manifestation et de l'incantation magique, donnent de la force aux femmes de Greenham Common. Toutes le disent. Même lorsqu'elles sont arrêtées, ou lorsque leurs tentes sont arrachées, elles continuent de chanter. Car la non-violence est leur principal mot d'ordre, à rebours de la violence ultime que représentent pour elles les armes nucléaires. Certaines militantes, pacifistes de longue date, connaissent déjà les techniques de ce type de lutte. Se laisser traîner, le corps mou, lorsqu'un policier vous attrape, par exemple. D'autres apprennent et inventent sur place. Rebecca Johnson se souvient, dans « Des femmes contre les missiles », le documentaire de Sonia Gonzalez. C'est parce qu'il était exclusivement féminin que le mouvement de Greenham a pu explorer, choisir, élaborer de nouveaux modes d'action directe non violente, de nouveaux modes de résistance au patriarcat militaro-industriel. Nous n'étions pas les seuls à le faire. Aux États-Unis, en 1980, le Women's Pentagon Action avait encerclé le bâtiment du Pentagone et en avait condamné les entrées avec des toiles en fil de laine tissées par des femmes. Ce genre d'idées avait inspiré les actions menées à Greenham et nous les adaptions sur d'autres terrains. En octobre 82, les femmes de Greenham bloquent la base en tissant de la laine sur leur corps étendu au sol et sur les grillages. Alors des images. Celles de ces officiers englués dans le tricot comme des mouches dans une toile d'araignée, elles étonnent, elles amusent. Car l'humour est l'une des forces du mouvement. Les femmes de Greenham Common n'hésitent jamais à se moquer des autorités. Elles les alpaguent, elles fredonnent sur leur passage et elles rient de leur propre insolence. Les policiers, eux, sont désorientés, mal à l'aise. Alors ils hésitent entre galanterie et mépris face à ces inhabituels activistes, ces mères de famille qui n'osent parfois même pas toucher et que rien n'arrête. À l'été 82, une dizaine d'entre elles sont arrêtées et emprisonnées pour avoir occupé la cabine du garde à l'entrée de la base. Elles sortiront de prison 15 jours plus tard, galvanisées et prêtes à passer à l'étape d'après, faire nombre. Thank you. lost our chance. We're the first and last. After the blast, ships of plutonium are twinkling in every line. I love my beloved. France Inter, affaires sensibles. Combien de femmes se donnant la main faudrait-il? C'est une question mathématique. Combien de femmes se donnant la main faudrait-il pour encercler un périmètre de 15 km? Il en fallait environ 11 ou 12 000. On s'est dit qu'on pourrait aussi agrandir le cercle avec des foulards. Et c'est comme ça qu'on a décidé de le tenter. Puisqu'elles ne peuvent pas entrer sur le chantier de la base militaire, les militants de Greenham Common décident de l'encercler. Tôt le matin du 12 décembre 82, prévenus, des centaines de femmes, puis des milliers arrivent. Elles sont 30 000, trois fois plus que prévu, à prendre la base dans leurs bras. Main dans la main, les pieds dans la boue glacée, elles forment un cordon de 15 km le long des grillages du site, décoré pour l'occasion de rubans, de poèmes, de jouets d'enfants. Pour beaucoup qui ont entendu parler du camp de Greenham Common de loin, c'est un grand moment d'émotion et une prise de conscience, celle de leur pouvoir. Et elles sont 6 000 à rester le lendemain pour le désormais traditionnel blocage de l'entrée de la base militaire. Toutes ne vivent pas sur le camp à plein temps. Certaines y restent quelques jours, quelques mois, d'autres rentrent chez elles chaque soir. Des femmes blanches de classe moyenne en majorité, hétérosexuelles, mais aussi des femmes issues des classes populaires et des minorités racisées, lesbiennes. Elles n'expérimentent pas toutes Greenham Common de la même façon, mais chacune apprend, s'interroge, débat, comme dans ce qu'on appellera plus tard des ZAD, des zones à défendre. Là, la zone, c'est la vie. Et puis, on y vient. Les missiles nucléaires de l'OTAN ne sont qu'une partie de la lutte, comme l'explique cette femme sur France Inter. Greenham Common, pour nous, ce n'est pas seulement la question des armes, c'est surtout la menace de cruise missiles, mais aussi c'est la façon de vivre chez nous, dans nos pays. Nous n'avons pas assez d'argent pour les hôpitaux, pour les écoles, pour... nous avons beaucoup de unemployment. Chômage. Chômage. Et la façon de vivre est idiot, n'est-ce pas? Et c'est plus que seulement la menace des armes, vous comprenez? Certaines femmes, comme Sue Say, découvrent aussi à Greenham Common le racisme systémique de la justice britannique. Cette jeune femme noire, par exemple, est condamnée pour le blocage de la base à 28 jours de prison au lieu de 14 comme les autres. Greenham, ce n'est pas juste être anti-nucléaire, expliquera-t-elle à la journaliste Sophie Boutboul. C'est aussi faire le lien entre les bombes et la violence masculine. Ouvrir les yeux sur le patriarcat, l'apartheid. Chaque soir, autour des feux de camp, les femmes sont de plus en plus nombreuses à parler écologie, féminisme, racisme, droits humains, économie. Mais au nouvel an 83, la pression monte d'un cran pour ces milliers de militantes qui vivent ou transitent à Greenham Common depuis près d'un an et demi maintenant. Car c'est cette année-là que doivent arriver les missiles américains sur la base. Alors, doivent-elles, pour l'empêcher, faire le choix de pénétrer sur cette base? C'est la question que chacune se pose. Quand on a compris qu'on pouvait le faire, on a ensuite réfléchi aux répercussions. Il était évident qu'on pouvait être arrêté pour dégradation criminelle ou autre. On a été dans une station-service pour boire un thé, et c'est là qu'on s'est dit qu'on allait aller jusqu'au bout. Personne n'allait nous arrêter. Ils n'étaient au courant de rien, il n'y avait personne, pas de barrage routier. On pouvait aller à Greenham et couper les grillages. Dans la nuit du 31 décembre 82 au 1er janvier 83, les femmes du camp pour la paix de William Common prennent la décision, débattue depuis le début, d'entrer sur la base militaire. Un pas supplémentaire dans l'illégalité, puisque le site est sensible et officiellement hautement sécurisé. Qu'à cela ne tienne, 44 d'entre elles découpent les grillages ou escaladent les clôtures grâce à des tapis qu'elles posent sur des barbelés. Dans la nuit noire et humide, éclairées par les spots du chantier de la base, elles escaladent les silos en construction, là où seront bientôt entreposés les missiles. Et elles dansent des heures durant, foulant symboliquement aux pieds l'arme nucléaire, la guerre froide, la violence. Au matin, elles sont arrêtées et de nouveau emprisonnées pour des peines cette fois plus longues qu'à l'accoutumée. Mais maintenant qu'elles ont franchi le pas, les activistes de Greenham Common ne cesseront plus de s'introduire sur le site. Comme en avril 83, 200 familles pique-niquent déguisées en nounours avant d'être arrêtées. Des armes contre des peluches, l'image est saisissante. Greenham Common, 100 km de Londres, cet avion cargo, un Starlifter américain C-141, se pose. C'est le deuxième en 24 heures qui vient livrer en Grande-Bretagne les éléments de ses missiles nucléaires cruise. C'est le début de la couverture de l'Europe occidentale par le parapluie nucléaire américain face au SS-20 soviétique. Du côté soviétique comme du côté occidental, il faudra de 6 à 8 minutes pour que les objectifs soient atteints. Le 15 novembre 1983, 3 millions de personnes défilent en Europe pour protester contre l'arrivée des missiles nucléaires sur le continent et l'abandon des négociations qui avaient été engagées avec l'URSS. À Greenham, 50 000 femmes se réunissent avec des miroirs pour dire symboliquement aux décideurs « Réfléchissez, réfléchissez aux conséquences de vos actes ». Le ministre de la Défense britannique, Michael Heseltine, visé par un pot de peinture à Londres, se veut rassurant. L'effectif policier a été renforcé et les zones les plus sensibles de la base sont désormais inaccessibles. Mais trois semaines plus tard, le 27 décembre 83, un groupe de femmes occupe la tour de contrôle de l'aérodrome de Greenham Common et là, l'affaire prend de l'ampleur, puisque le vice-président des États-Unis, George Bush Senior, fait part de ses préoccupations à Margaret Thatcher. En termes d'engagement sur le terrain, l'arrivée des missiles a instauré un nouveau rythme. À chaque fois qu'un camion militaire sort ou entre sur la base, la route est bloquée par les militantes. À tel point que des exercices doivent être menés hors site. Et les femmes de Greenham entreprennent de filmer, photographier et consigner tous ces déplacements au cas où. Les soldats américains sont perturbés par ce qu'ils décrivent comme une présence spectrale. Parce qu'il faut s'imaginer, de jour comme de nuit, des femmes, par petits groupes de deux ou trois, longeant les grillages comme si elles s'apprêtaient à essayer d'entrer dans le camp. Un militaire les remarque et appelle des renforts. Quand une jeep arrive, les manifestantes se jettent dans un buisson avant de réapparaître 100 mètres plus loin. Un jeu du chat et de la souris qui perd cependant de sa gaieté à mesure que l'ambiance se raidit à Greenham Common. Et c'est cette tension que raconte une militante au micro de Serge de Champigny et Daniel Mermet sur France Inter. Donc 16 missiles dans ce silo-là, dans chacun. Chaque missile pouvait détruire l'équivalent de 12 fois Hiroshima. Et combien de missiles au total? 96. 96. Et combien de soldats? There were several thousand American soldiers on this base alone. Plusieurs milliers de soldats américains juste dans cette base. Every time I come here, I feel it chills my blood remembering what it was, because they would have nuclear exercises all the time here, and we would hear the sirens. Dès que je viens ici, ça me glace le sang, parce que quand je me rappelle de tout ce qui, de toutes ces manœuvres nucléaires qu'il y a eu, ces exercices. Ça, vraiment, ça me terrifie quand je reviens. And while they were on alert, we were on alert. Quand ils étaient en alerte, nous aussi on était en alerte. Des milliers de soldats, des hélicoptères, des sirènes. Les femmes qui vivent sur le campement de Greenham Common côtoient chaque jour ce contre quoi elles luttent, la guerre. À deux reprises, des bulldozers détruisent leurs installations et régulièrement, des huissiers viennent pour les expulser. Un quotidien très rude, souvent froid et pluvieux dans ce coin rural du Pays de Galles. Mais les militantes, qui dorment sous des bâches, résistent. Oui, malgré la peur des premiers temps, elles s'habituent à la menace que constitue la police qui réprime sans cesse le bocage et les manifestations qu'elles organisent. Une partie des habitants de Newbury, la ville la plus proche de la base militaire, ne veut pas non plus de ces militantes, pourtant pacifistes. On les insulte, on leur jette des excréments de porc et on lacère leur tente au couteau. Greenham, ses missiles et ses militaires fraîchement arrivés, espèrent les commerçants, assureront des retombées économiques à la région. Harpies, sorcières, hystériques, extrémistes, terroristes, lesbiennes, mères indignes, une partie des locaux, tout comme la presse, ne tarit pas d'insultes à l'encontre des femmes du camp pour la paix de Greenham Common. Elles veulent protéger leurs enfants, d'accord, semblent considérer certains journalistes. Mais alors pourquoi ne restent-elles pas à la maison à s'occuper d'eux au lieu de les élever dans ce campement sordide? Quant aux autres groupes de militants antinucléaires, tous ne soutiennent pas les femmes de Greenham, avec qui ils entretiennent pourtant des liens. Entre paternalisme et mépris, certains au CND, la principale organisation de lobbying du pays, craignent qu'elles ne discréditent leur cause. Et du côté de la presse, certains vont aller très loin. C'est ce que raconte Stéphane Magnier sur TF1 en 1986. En Grande-Bretagne, des femmes soldats soviétiques se sont infiltrées depuis 3 ans parmi les militantes pacifistes qui campent autour de la base où sont déployés des euromissiles. Information donnée par un magazine qui fait autorité en matière de défense en Grande-Bretagne. Stéphane Magnier. Cela fait 3 ans qu'ils essaient de nous discréditer. Ils ont utilisé tous les arguments avec des accusations absurdes. Et maintenant, ils veulent faire croire aux gens que nous entraînons des espions soviétiques. Les autorités britanniques ont refusé de dire si une enquête était en cours. Les soviétiques de leur côté démentent et les pacifistes font remarquer avec humour qu'elles ne demandent pas les cartes d'identité à l'entrée du camp et que si les espions soviétiques sont là, les agents des contre-espionnages américains et britanniques ne sont sûrement pas loin. Les femmes de Greenham Common, quelques dizaines sur le camp, des dizaines de milliers lors des actions d'envergure, agacent le gouvernement de Margaret Thatcher qui n'a de cesse de nier leur existence. Une chef de gouvernement qui fait exception face à la théorie qui veut rapprocher la violence nucléaire de la violence des hommes. Thatcher est une femme, et la violence elle connaît. Les sidérurgistes en grève, les militants de l'IRA en savent quelque chose. En janvier 87, près de 4 ans après l'arrivée des premières militantes sur le camp, les autorités britanniques l'affirment dans les médias, il n'y a plus personne sur place. La réponse des activistes ne va pas se faire attendre. Pendant 1 semaine, chaque nuit, elles vont découper les grillages qui protègent la base sans qu'aucune d'entre elles ne soit repérée par les militaires du camp. Une femme, la bien nommée, surnommée Truth, vérité en français, raconte dans le magazine Red Rag. C'était si facile que ça en devenait irréel. Je rentrais du travail, je dînais avec mon mari et mes enfants, puis je sortais causer l'équivalent de centaines de livres de dégâts matériels, puis je rentrais chez moi. C'est une bonne cible pour ma colère, d'attaquer la propriété de ceux qui prétendent parler pour moi, qui prétendent que leurs armes obscènes me protègent. Je ne considère pas nos actions comme inutiles ou futiles. Elles leur coûtent du temps et de l'argent, même s'ils le nient. Les protestations continuent et les femmes de Greenham sont toujours là. Je continuerai jusqu'à ce que les missiles s'en aillent. Bonsoir. Le rendez-vous de Washington appartient désormais à l'histoire. Au premier jour du sommet américano-soviétique, Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev ont signé le traité sur le démantèlement des missiles intermédiaires en Europe. Longtemps espéré, difficilement négocié, cet accord, même s'il est incomplet, restera l'un des épisodes les plus importants de l'après-guerre. À Washington, Jacques Bouchard. Un moment d'histoire, l'aboutissement de 7 ans d'âpres négociations. Messieurs Reagan et Gorbatchev ont donc signé à la Maison-Blanche le traité éliminant les fusées de portée intermédiaire. Le leader du Kremlin parlait d'un premier pas sur la route menant à un monde dépourvu d'armes nucléaires. Le 8 décembre 87, c'est officiel, c'est la fin des missiles de croisière et des missiles balistiques en Europe, qu'ils soient américains ou soviétiques. Pour les militantes de Greenham Common, qui se battent depuis 6 ans, ce traité est évidemment une victoire qu'elles célèbrent avec effusion. Mais leur rôle, et plus largement celui de tous les militants antinucléaires, est globalement nié par les autorités britanniques et par l'OTAN. Les missiles auraient été retirés de toute façon, affirme-t-on. Et Mikhail Gorbatchev, lui, salue officiellement le rôle du mouvement pour la paix européen dans cette décision, et il mentionne en particulier les femmes de Greenham. Lui aussi, Gorbatchev, est une exception, mais dans le bon sens. Malgré le démantèlement de la base militaire, des femmes vont faire le choix de rester sur le campement. Car pour elles, le combat ne s'arrête pas aux missiles. Le nucléaire civil et militaire, dont le programme britannique Trident, mais aussi le changement climatique, l'économie de marché, les inégalités, ce sont autant de combats qu'il reste à mener pour ces irréductibles activistes qui resteront encore près de 10 ans sur place, malgré le départ progressif des Américains. Sur France Inter, Serge de Sampigny et Daniel Mermet visitent ce qui reste de Greenham Common avec Katrina, Jean, Sarah et Peggy. Nous sommes en 1998, 17 ans après l'arrivée des premières militantes sur le camp. Le nucléaire, dans l'esprit des hommes, c'est quelque chose de virtuel. C'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose de virtuel. Or vous, ce que vous avez compris, c'est que c'est pas virtuel du tout. Ça tue vraiment des hommes, ça brûle vraiment des hommes, ça détruit vraiment l'humanité. C'est ça que vous avez compris physiquement. Nuclear weapons to me are a kind of monument of evil. C'est un monument du diable, une construction démoniaque. And we haven't yet got rid of that evil in the world. Et on s'en est toujours pas débarrassé dans ce monde. We have faced this nuclear evil so long now, and we just wish. On combat ce diable nucléaire depuis si longtemps. We just wish by the year 2000 all the humanity that it is in actuality. Pour l'an 2000, could be got rid of from the face of the earth. On se débarrasse totalement de. En l'an 2000, les armes nucléaires n'ont pas disparu, bien sûr. Tant s'en faut. Mais la base de Greenham Common est enfin démilitarisée, comme le demandaient les activistes depuis le départ des missiles. Les 4 dernières militantes encore présentes sur place quittent alors le camp, 19 ans après l'arrivée de la Marche des Femmes pour la Paix en 81. 19 ans qui appartiennent autant à l'histoire de la guerre froide qu'à celle des luttes antinucléaires, pacifistes et féministes. 19 ans d'un combat à la fois radical et joyeux, où la colère n'a d'égal que l'humour et l'audace des femmes qui le mènent. Car elles ont non seulement sensibilisé l'opinion publique au danger du nucléaire, mais elles ont, pendant près de 20 ans, expérimenté leur propre façon de lutter et de vivre contre l'ordre établi. Leur combat reste aujourd'hui une inspiration pour des militantes et des militants du monde entier. This is not the worst, the worst. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, William Common, notre invité Jeanne Burgard-Goutal, en direct de nos bureaux de Marseille. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien, c'est parfait. Vous êtes professeur de philosophie et autrice du livre intitulé « Être écoféministe, théorie et pratique », paru aux éditions L'Échappée en 2020. Écoféminisme, voilà. Le mot revient en force dans les médias depuis quelques temps. Et d'ailleurs, on va écouter comment on parlait dans le 7-9 notre amie Charline Vanhoenacker, et on en discute après. Charline Vanhoenacker, la candidate à la primaire des Verts, Sandrine Rousseau, amène dans le débat un sujet clivant, l'écoféminisme. C'est ça, un mix entre Greenpeace et le MLF. Donc on a pris écologie et féminisme, on en a fait un seul mot, on s'est dit on va rassembler les deux passions d'Alain Finkielkraut, ça lui fera plaisir. Est-ce que vous avez entendu la violence des propos de Sandrine Rousseau? Décroissance, déconstruction masculine, radicalité. Il y a qu'à écouter la candidate, elle se qualifie elle-même de sorcière. D'ailleurs hier, un chroniqueur télé a dit qu'elle était, je cite, une sorte de Greta Thunberg ménopausée. Excellent, non? Je constate que pour beaucoup, le concept d'écoféminisme est encore flou, alors que j'ai une petite technique pour reconnaître une idée de la sorte. Si elle fait la une de Valeurs Actuelles avec le mot terrorisme, alors c'est certainement une idée écoféministe. C'est une façon de voir, Jeanne Burgard-Goutal. Comment vous définissez, vous, l'écoféminisme? Vous avez intitulé l'un de vos chapitres « L'impossible cartographie de l'écoféminisme ». Oui, alors c'est une cartographie impossible et une définition impossible, ou en tout cas difficile, puisque, alors, en fait, rien qu'en prenant les deux exemples de cette émission, c'est-à-dire entre les femmes de Greenham Common et Sandrine Rousseau, on a un petit peu du mal à voir ce qu'il peut y avoir de commun. Et en fait, l'écoféminisme a toujours recouvert un spectre extrêmement varié de tendances politiques, de diversité en termes de radicalité, en termes de féminisme, etc. Mais bon, pour essayer quand même d'approcher un peu une définition, on peut dire que ce qui regroupe l'ensemble des pensées, des luttes, des mouvements, des collectifs qui se sont dits écoféministes depuis les années 70, puisque c'est à ce moment-là qu'apparaît ce mouvement et ce terme, c'est d'essayer d'articuler écologie et féminisme à partir de la conviction fondamentale qu'il y aurait des liens entre les différents systèmes de domination, notamment entre le système de domination patriarcale et le système de domination capitaliste responsable de l'exploitation et de la dégradation de l'environnement. Oui, mais donc c'est ça la conviction de départ. D'accord. Allez, continuez, je vous en prie. Voilà, qui après s'est décliné effectivement sous des formes très différentes, à la fois dans des luttes antinucléaires, comme dans l'exemple de Greenham Common, et pacifiste, mais aussi dans des luttes contre la déforestation, contre l'extractivisme minier, autour de questions démographiques. Voilà, donc il y a une grande diversité du mouvement, mais toujours ce désir d'articuler étroitement écologie et féminisme, et plus largement en fait la lutte contre l'ensemble des systèmes de domination qui, du point de vue des écoféministes, forment un tout. Ça veut dire que le postulat de l'écoféminisme, il nous renvoie au fait que ce sont encore les hommes qui ont les manettes des pouvoirs économiques, par exemple? C'est ça que ça veut dire? Alors, ça serait une des manières d'en parler, mais moi il me semble que c'est vraiment un peu passé à côté de l'intérêt de l'écoféminisme, puisque la plupart des écoféministes, en tout cas des théoriciennes, elles insistent bien explicitement sur l'idée que le problème n'est pas les hommes, mais le patriarcat. D'accord. Donc, une certaine structure de domination, et d'ailleurs, l'exemple de Margaret Thatcher dans ce document est très parlant, puisque Margaret Thatcher est une femme. Et oui, je le disais un peu dans le récit, oui. Exactement. Et elle s'inscrit tout de même dans un système de domination totalement capitaliste et patriarcale. Et ça, les écoféministes en ont tout à fait conscience. Par exemple, Maria Miss, qui est une sociologue écoféministe allemande, écrit « Les femmes ne sont pas un genre supérieur. Si la structure ne change pas, si la structure politique, économique ne change pas, en fait, il peut y avoir tant de femmes qu'on veut, PDG de boîte du CAC 40 ou présidente d'État-nation, ça change pas fondamentalement les choses. » Et donc, si dans le féminisme, il y a lutte contre les rapports de domination, le mot-clé, c'est domination, et notamment du patriarcat, ça veut dire que le combat est le même, il est valable pour d'autres formes de domination, et de lutte contre toute forme de domination. C'est pour ça que le féminisme va finalement au-delà du mot féminisme. Est-ce que c'est ce que vous voulez nous dire? Exactement. Et bon. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas dans le mot écoféminisme, malheureusement. C'est que leur ambition, ça a toujours été d'articuler, donc comme je l'ai dit et redit, voilà, différents systèmes d'accord. de domination. Donc, ne serait-ce que la trilogie genre, race, classe, qui est la trilogie de base de tous les féminismes intersectionnels, ou voilà, qui cherchent à penser de façon systémique. Et elles articulent ça aussi avec la question écolo. Et les témoignages sur Greenham Common, on entend bien à quel point un point de départ très ponctuel, qui pourrait être l'antinucléaire ou la lutte féministe prise comme combat particulier, de fil en aiguille, en fait, c'est toute une pelote qui est tissée, qui va inclure les questions de racisme, de capitalisme, de minorité d'orientation sexuelle, de questionnement autour de l'économie et de la façon de vivre. D'accord. Quel est votre regard sur ce que véhicule Sandrine Rousseau par rapport à tout ça ? Bah, je trouve que ce qu'elle essaye de faire est périlleux, puisque au cours de l'histoire du mouvement, en fait, l'écoféminisme a... La plupart des luttes, elles sont un petit peu du genre Greenham Common, c'est-à-dire c'est vraiment de l'activisme de terrain qui s'inscrit pas du tout dans une logique électorale, qui est de l'occupation ou de la lutte, de la mobilisation par la base en marge de l'État. Il y a eu même une méfiance vis-à-vis de l'institution, de la logique électorale, de l'État, compris comme une institution dominatrice par nature. C'est vraiment une tradition de pensée politique anarchiste. Et donc là, la tentative de porter l'écoféminisme dans l'arène de la politique politicienne, ça me paraît tout à fait à la fois intéressant, courageux, casse-gueule. Peut-être voilà. contre-productif aussi. Peut-être parfois. Contradictoire. Ouais. Oui. Et contre-productif parfois. Je pensais à une autre, à moins que vous l'ayez cité, à un autre volet de domination, la colonisation, l'idée coloniale. Oui, alors ça, effectivement, c'est un des grands axes de la pensée écoféministe. Alors, la plupart des théoriciennes qui vraiment se déclarent explicitement écoféministes sont des penseuses occidentales, c'est surtout occidentales, ou en tout cas de langue anglaise. Oui. Donc, ce sont beaucoup dans les écrits conséquents, quoi, des penseuses américaines, britanniques, australiennes, indiennes aussi, avec Vandana Shiva. Donc là, c'est anglophone, mais depuis une ancienne colonie. Mais en réalité, il y a énormément de déjà, dans leurs textes, elles articulent tout le temps cette question-là, avec vraiment une grande conscience que le capitalisme est colonial et aujourd'hui néocolonial, et qu'on peut vraiment pas séparer, du coup, les questions lié au capitalisme, à la crise écologique et à la dimension néocoloniale de notre système économique. Et cet axe post-colonial, alors il est d'autant plus parlant chez des penseuses comme Vandana Shiva, qui écrivent depuis les pays du Sud, ouais. Mais c'est une constante dans l'écoféminisme. Dernière chose sur l'écoféminisme, dans la définition qu'on essaye, précise, qu'on essaye de donner. J'ai perdu mon idée. J'étais en train de trouver un dernier volet. Je l'ai perdu. Écoutez, c'est pas grave. Ça arrive. Nous sommes en direct. On va écouter Zao de Zagazan parce que c'était prévu. Et puis, entre temps, je vais retrouver mon idée. D'accord. Elle chante et dormante. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires à deux, même des plus beaux amours heureux. On a beau croire qu'on a gros caractère, ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire. Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que t'y es. Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares? Tout se passe tout doucement pour arriver plus facilement au versant noir et isolé qui s'y engage va certainement dévaler. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vend. garçon du genre très beau parlera. La guicheur, l'allumeur, le séducteur. T'auras beau être en train de chialer depuis des heures, monsieur te prêtera des erreurs, lui qui n'en fait jamais d'ailleurs. Tout se passe tout doucement dans ses murmures, le serpent, et après la colère. L'amour, ça rend fou, il en est sûr. Oui, ça c'est l'amour, ça rend fou, il en est sûr. Ça c'est l'amour, ça rend fou, et j'en deviens sûr. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Jeanne Burgard, Goutal, j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai retrouvé ma question. Elle n'est pas forcément facile. L'écoféminisme est-il de gauche? Ah oui, bien sûr. Ah bon, alors, c'était pas si difficile que ça. Finalement. C'est-à-dire, en tout cas, historiquement, c'est clairement une pensée de gauche radicale. Mm-hmm. Les références des écoféministes, ce sont des penseurs anarchistes, des penseurs de Marx, ou des penseurs d'écologie sociale comme Murray Bookchin ou Ivan Illich. Donc clairement, c'est une tradition de la gauche radicale. Mais ce qui se produit ces derniers temps de façon assez surprenante, c'est qu'il y a une sorte de reprise, mais qui est vraiment une récupération malhonnête, d'un certain nombre de thématiques écoféministes par des mouvances d'extrême droite. Mais du coup, en coupant complètement l'écoféminisme de son histoire, en gardant juste quelques petits bouts et en les renversant. Mais en tout cas, historiquement, il est très clair que c'est une pensée de la gauche radicale. Est-ce que les femmes du camp pour la paix de Greenham Commons se définissaient comme des écoféministes ? Il me semble que l'association Women and Life on Earth, ou Women for Life on Earth, il y en a une aux États-Unis, une en Grande-Bretagne, utilisait ce terme, oui. Alors, on sait que statistiquement, l'empreinte écologique des hommes est plus élevée que celle des femmes, et pourtant, ils peuvent eux aussi militer en faveur de l'écologie. Quelle place est donnée aux hommes dans la pensée écoféministe ? Alors, en l'occurrence, il y a souvent une tentative justement pour éviter de penser comme ça en termes binaires homme-femme. En l'occurrence, je vous en prie, c'est normal parce que c'est en même temps des termes qu'on utilise forcément dans le cadre d'une pensée féministe. Mais là, par exemple, c'est pour ça que c'est une pensée qu'on peut pas séparer de sa dimension sociale et anticapitaliste. C'est que en l'occurrence, ce qui est significatif dans cette différence d'empreinte écologique, c'est que les hommes sont majoritairement plus riches que les femmes. Donc en fait, c'est pas une différence foncièrement genrée, même si elle se manifeste de cette façon-là, mais c'est une différence à la fois économique et une différence aussi de construction sociale, de position sociale, donc voilà, qui est liée à ce qu'elles appellent le capitalisme patriarcal, ou parfois en un seul mot patriarcapitalisme, dans lequel ces dimensions-là sont imbriquées. Et on pourrait rajouter la considération que généralement ce sont des hommes blancs. Ça veut dire que, et de classe sociale supérieure. Ça veut dire que dans beaucoup, pour être simple, dans beaucoup d'entreprises, les dirigeants sont des hommes blancs, effectivement, qui prennent beaucoup l'avion pour faire des affaires. Donc leur trace carbone est plus forte. Effectivement, c'est pas fondamentalement genré, mais ce sont les circonstances du monde du travail, de l'économie qui font ça. On est bien d'accord. Exactement, bon. C'est pas parce que ce sont des hommes et que foncièrement les hommes seraient insensibles aux questions environnementales, etc. C'est leur position sociale dans le contexte du capitalisme patriarcal qui fait ça. C'est clair. La non-mixité, comme l'a pratiqué les femmes de Greenham Common dans leur combat, c'est important pour l'écoféminisme ? C'est incontournable ? Je crois pas que ce soit incontournable, mais de fait, c'est une forme qui a souvent été explorée. Mais comme vous l'avez très bien dit, c'est pas une fin, c'est un moyen. Mmh. Et en écoutant le récit de Greenham Common, on comprend bien en fait comment les choses se mettent en place progressivement. Et qu'il y a au début un espace non mixte, qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dans la lutte, mais que justement les rapports patriarcaux se reproduisent au sein même de la lutte, où les hommes, et là encore, c'est pas une responsabilité individuelle des hommes, c'est une construction de genre, une construction sociale et éducative qui fait ça. Mais il y aura une plus grande tendance à vouloir prendre des décisions, donner son avis. Et donc, la non-mixité est, ici est une sorte de réaction pour construire un espace qui ouvre d'autres possibilités, en fait, dans lequel les femmes vont pouvoir explorer des formes d'action qui leur seraient impossibles dans un espace mixte. Donc de prendre elles-mêmes les décisions, d'utiliser par exemple les comptines. On peut imaginer qu'un certain nombre d'hommes militants sérieux, traditionnels, auraient trouvé ça pas sérieux d'utiliser le chant, la comptine, la danse, ouais, le tissage, etc. D'ailleurs, à Greenham Common, les femmes utilisent le tissage comme mode d'action. Quand, vous savez, quand elles recouvrent les portes de laine pour empêcher les militaires de passer. C'est quelque chose qui est propre à l'écoféminisme, ça, cette volonté de se réapproprier les clichés sur ce qui est considéré culturellement comme féminin. C'est un peu Papali et Mamankou. Le best-seller, bien connu. Oui, alors, en fait, c'est pas que dans l'écoféminisme. On trouve ça aussi dans des formes de féminisme qui se sont développées plutôt dans les pays anglo-saxons qu'en France, qui sont ce qu'on appelle le féminisme culturel, qui est un féminisme différentialiste, c'est-à-dire qui assume l'idée d'une différence entre hommes et femmes, ou entre une sorte de culture masculine et une culture féminine. Et donc, dans cette optique-là, il y a l'idée de réhabiliter et revaloriser des artisanats, des activités, des caractéristiques traditionnellement genrées comme féminine. Mais dans l'idée de l'écoféminisme, c'est pas simplement une revalorisation, mais il y a aussi une sorte de détournement et de réinvention. Puisque là, par exemple, la broderie, elle est faite avec un usage politique. Oui. Donc en la sortant de son usage privé de Mamankou, mais en faisant un nouvel usage. Et en fait, plus largement, il y a vraiment toute une idée de réappropriation de savoir-faire traditionnellement féminins, qui sont aussi des savoir-faire d'autonomie. Oui. Des savoir-faire anticapitalistes, c'est-à-dire pour s'affranchir de l'industrie de la mode avec toutes les horreurs dont on sait qu'elles s'accompagnent, savoir par exemple fabriquer soi-même ses vêtements, en fait c'est un acte pour réussir à s'extraire un peu d'une industrie. Très bien. Finissez votre phrase quand même, je ne vais pas vous couper au milieu d'une phrase. Non, voilà. Bon, très bien. Écoutez, Jeanne Berger-Goutal, merci infiniment des définitions que vous avez données de l'écoféminisme. Je crois que c'était utile qu'on emploie un mot dont on connaît maintenant parfaitement le sens. Merci, au revoir. J'espère, merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les femmes de Greenham Common. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Paola Collin.